jour, je pourrais peut-être y aller. Un jour, te reconnaître. Un jour, te surprendre. Un jour, peut-être y aller. Reconnaître les lieux où j'ai habité. Un jour, je pourrais y retourner. Un jour, peut-être être heureux. Un jour, te libre, libérer. Un jour, je pourrais peut-être y aller. Te retrouver. Tout ce qui m'a manqué, tout ce qui me manque, tout ce qui m'a manqué, tout ce qui me manque. En attendant, j'attends le jour où je pourrai y aller. Oh, j'attends le jour. C'est une éternité. J'attends le jour, je pourrais y aller. J'attends le jour, je pourrais être libéré. Libéré. En attendant. Prisonnier. Enchaîné. Barreau virtuel, mais bien pourtant serré. En toi, la liberté. J'espère bien y retourner un jour, peut-être. Pas les pieds en avant. Pas entre quatre planches, même s'il en faut six planches. On oublie toujours les deux dernières. J'espère ne pas être boulevard des allongés.